Nous recevons aujourd'hui David Julienne et Vladimir Houbard. Donc ce sont deux cascadeurs. Bonjour David. Bonjour. Bonjour Vladimir. Bonjour, bonjour. Alors, bon, bien sûr, il n'y a pas de film d'action sans cascade, donc d'où l'idée d'avoir trouvé alors David Julienne, et puis là, je peux vous dire qu'on a tapé fort, hein, puisque ce sont les meilleurs, voire peut-être les seuls, en matière de cascade mécanique. Non, surtout pas, il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence. Bon, et ben écoutez, c'est pas grave, nous on connaît que vous, donc pour nous, vous êtes les meilleurs. Alors, cette fameuse saga Julienne, donc, part du grand-père, donc Rémi, vous me corrigez, David, hein, si non, je non, me trompe. Un Julienne peut en cacher un autre, attention. Et là, en l'occurrence, il y en a trois avec des Juliennes. Donc, alors, Julienne Rémi, Julienne Michel, et donc le petit dernier, donc David. La troisième génération. La troisième génération. Alors, justement, dites-nous-en un petit peu plus sur cette fameuse saga Julienne, David. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est-à-dire, comment a démarré votre grand-père ? Donc, est-ce qu'il est parti de pratiquement zéro ? Est-ce qu'il a repris une affaire ? Est-ce qu'il a créé ? Enfin, tout ça, quoi. Alors, mon grand-père faisait le championnat de France de motocross. Et il a été contacté par des journalistes, car Gilles Delamarre cherchait des pilotes de cross pour un tournage. D'accord. Et c'est les débuts de mon grand-père. D'accord. Et alors ensuite, donc, il a grandi. Petit poisson deviendra grand. Ensuite... Il a profité d'un drame, excuse-moi David. Là, c'est Vladimir qui intervient. Il faut dire que David est très timide. Hein. On n'a pas l'impression. Je le suis, moi aussi. Oui, non, mais c'est deux personnes qui ont énormément de choses à raconter et puis qui sont hyper timides alors qu'ils sont hyper intéressants. Non, David vient de parler d'un grand monsieur de la cascade de l'époque qui s'appelait Gilles Delamarre, qui était un exceptionnel cascadeur. Et ce monsieur, après avoir engagé Rémi sur plusieurs films, tels que La Grande Vadrouille, évidemment, est décédé sur un tournage lui-même. Et donc Rémi a profité de ça, malheureusement, parce que c'est un drame, mais c'est arrivé comme ça. D'accord. Donc après Rémi, il y a eu donc Michel, votre papa. Exactement. Alors lui, il a commencé à mettre le pied à l'étrier vers quelle période ? Oh, très jeune. Très très jeune aussi, ouais. Comme tous, je suppose. Ouais, bah oui, forcément. À partir du moment où on a l'âge de travailler, on évolue sur les tournages. Un peu comme dans le cirque, finalement. Hein. C'est un virus qui traîne dans la famille, et puis oui, on l'attrape très très jeune. D'accord. Et alors donc, maintenant, on en arrive à la génération David. Oui. Donc, la génération David, vous avez commencé... Est-ce que vous avez donc repris l'affaire ? Est-ce que vous êtes associé dans l'affaire ? Est-ce que vous n'êtes pas forcément dans le staff, on va dire ? Est-ce que vous êtes... alors, qu'est-ce que vous êtes, quoi, en fait ? Parce que je pose des questions, mais j'en sais rien. Je travaille pour la société de mon père, Cascade et Cascadeur. D'accord. Et ça, j'ai commencé en 97 sur le film Taxi 1, il y a près de 20 ans. D'accord. Et alors, ces fameuses cascades, ça se fait comment, en fait ? Est-ce que... Bon, elles sont préparées, ça, c'est pas ce que je veux vous demander. Mais je suppose qu'au bout d'un certain temps, on doit pouvoir être capable de faire la cascade. Enfin, il y a peut-être un suiveur au départ, sur un plan précis. Puis après, peut-être que c'est soi-même, avec l'évolution du métier, qui commence à décrire les plans, les scènes, etc., et puis faire tout de A à Z, ou non, c'est à une vue de l'esprit ? On commence pas le métier de cascadeur en montant tout de suite dans la voiture, non, c'est un métier qu'on apprend déjà en regardant les autres. D'accord. Déjà, avant de pouvoir effectuer ses propres cascades, on y va progressivement. D'accord. Donc David, cette question s'adresse à vous. Donc vous faites partie, on a bien compris, d'une famille de cascadeurs. Alors est-ce que ça a été un frein, ou est-ce qu'au contraire, ça a été une motivation supérieure ? Non, il n'y a jamais eu de pression à ce niveau-là. Enfin, en fait, je ne me suis jamais posé la question. J'ai la chance d'évoluer depuis toujours dans un univers qui est la cascade et qui est passionnant. Alors donc justement, la cascade, c'est passionnant. Alors en quoi consiste réellement la profession de cascadeur ? Vladimir, peut-être ? Ah, pourquoi moi ? Non, alors je vais corriger. Vladimir et David. Et David. La profession de cascadeur, c'est de prendre des risques... Calculer, certes, mais des risques tout de même pour remplacer les comédiens au cinéma, parce que nous sommes des cascadeurs de cinéma, précisons-le. Oui, donc vous avez également un rôle à jouer. Exactement, nous faisons partie intégrante de l'artistique sur le film. Oui, on y reviendra un petit peu plus tard. Oh, pardon, oh là là. Non, pas du tout. Je non, me non. fais engueuler. En fait. Mais oui, non, mais alors, ils viennent, ils nous rendent service, ils nous font plaisir, et puis en plus, ils se font engueuler. Bon, bah alors, donc, ils reviendront plus, pas du tout. Ah non, mais moi, je vais leur poser une question, parce que c'est vrai que dans la profession cascadeur, quelle est la cascade ultime que vous avez réussi, qui vous a fait plaisir, le meilleur souvenir que vous avez eu, justement, pour l'instant, les deux ? Des bons souvenirs, on en a plein sur les tournages. Mais s'il fallait en sortir une comme ça, c'est difficile de choisir là, oui. C'est très difficile. Oui, ouais. Bon, bah, vous avez une demi-heure. Interrogation écrite. Entre les cascades pures, les grands sauts en voiture, les crashs, les tonneaux, les poursuites dans les villes, on nous donne l'autorisation bien souvent de braver les interdits dans. Les interdits de la vie, vous avez le droit de les faire, voilà, ça qui est bien. Ouais. 200 sur autoroute, c'est bien ça. 200 sur autoroute, remonter Rivoli en sens inverse, aller faire des dérapages dans Cannes, enfin voilà. D'accord. Voilà, donc il y a toute une partie administrative. Une spécialité ? Il y a une petite spécialité chacun, un petit truc qui vous plaît le plus à faire ? Moi je peux dire que David est un très grand pilote de bagnole, ça c'est sa grande force, mais c'est aussi un très bon cascadeur, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais effectivement, dans l'équipe, par exemple, nous, on a un groupe de 5 personnes au niveau de cette équipe, cascade et cascadeurs. On a tous un peu chacun nos spécialités. Il y a un grand spécialiste de moto qui s'appelle Christophe Roblin, qui est notre pote. Et puis il y a des crasheurs, comme on dit, pas des crasheurs de feu, hein, oui. C'est bien. Des gens qui vont au carton, c'est un peu familier que de dire ça, mais voilà, ça, je représente plutôt ce type de cascadeur. D'accord, donc vous êtes le casse-cou de la bande. Ah, il n'y a aucun casse-cou, il n'y a que des gens très intelligents. D'accord. Non, il n'y a pas de casse-cou, surtout pas, il faut des garde-fous de toute façon. Il n'y a pas de fous, non, surtout pas. D'accord. Alors, comment devient-on cascadeur ? Ah, il y a plusieurs façons de le devenir, mais beaucoup viennent du sport, en fait. Nous, on parle de cascade mécanique dans ce qui nous concerne. Donc moi, je viens de la moto aussi un peu à la base. David a fait de la voiture. Donc on a ces bagages techniques-là. Mais par contre, il y a des, par exemple, pour les cascadeurs physiques, ce qu'on appelle physique, il y a plein d'écoles, en fait, hein, entre les sports de combat. Le cirque peut être une très bonne école de cascadeurs. D'accord. Il y a une école de cascade ? Il n'y a pas d'école. Il y a pas d'école de cascade. Non. D'accord. Non. Ça s'apprend en regardant et en venant directement à l'école. C'est l'école directement avec vous. En travaillant, qu'on se fait de l'expérience, qu'on acquiert les compétences. D'accord. Et alors, donc, vous avez tourné énormément de films avec des cascades depuis la création de Cascades et Cascadeurs. Est-ce que vous avez un ordre d'idée du nombre de films ou c'est beaucoup, quoi, point barre ? C'est difficile à quantifier. Moi, je dirais à peu près, depuis la création de l'entreprise, depuis les années c'est 2000, je dirais 200, plus de 200 projets. Ah oui, que ce soit cinématographique, publicitaire, télévisuel. Et oui, il y a tout ce qui est publicitaire. Quelques spectacles, l'incentive, oui, ça. La cascade, il y a beaucoup d'activités dans la cascade. Alors je suppose qu'il y a aussi un gros côté administratif, puisque bon, pour rouler dans les villes, donc il doit falloir fermer les rues, etc. Donc ça, qui c'est qui fait cette paperasse ? Alors ça, c'est les productions qu'engagent des gens, c'est les régisseurs qui s'occupent de trouver les décors, d'avoir les autorisations. Et on est sujet, oui, bien sûr, à autorisation. On n'arrive pas sur une route et on ne fait pas ce qu'on veut à n'importe quel moment. D'accord. Et le cascadeur, lui, il intervient à quel moment alors ? Les cascadeurs interviennent sur un projet lors de la préparation du projet. La lecture du scénario. Voilà, il y a la lecture du scénario où tous les départements sont conviés et on expose, on met à plat tous les problèmes que le scénario relève. Comment on va raconter l'histoire, la séquence qu'on a à tourner ou les séquences qu'on a à tourner. Et c'est à ce moment-là que les cascadeurs interviennent. Alors comment on se prépare les séances ? Les séquences, pardon. Eh ben, on a des réunions avec tous les départements concernés à la séquence. Et ensuite, on prépare dans nos ateliers les véhicules. On est amené à faire des répétitions avant d'arriver sur le tournage. Mais alors, donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on est parfois amené à créer complètement la séquence. C'est-à-dire que le réalisateur s'en remet à nous pour créer, en disant, voilà, on a 3 minutes à remplir, qu'est-ce que vous pouvez nous faire pendant ces 3 minutes-là ? D'accord. Donc là, on est vraiment impliqué. Alors, vous parliez de répétitions, mais c'est assez difficile de faire des répétitions, non ? Parce que les véhicules, ils ne servent pas 40 fois. On ne peut pas répéter toutes les cascades, non. D'accord. Il y a des gros crashs où il y a destruction du véhicule, et suivant les moyens de la production, on ne peut pas toujours répéter ces cascades. C'est arrivé une seule fois sur le gros film qui était Lucie de Luc Besson. Mmh. Comme on n'avait que 4 heures de tournage rue de Rivoli, on n'avait aucun moyen de se louper parce que c'était vraiment très très compliqué. Donc c'est la seule fois où on a répété les cascades réelles. Quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents de cascadeurs ? Il y a des incidents, mais des accidents. Bon, il y en a, puisque c'est ce qu'on fait. Bien sûr. De grands blessés, non. Les accidents avec blessures sont très rares. D'accord. Et alors, bon, on voit surtout beaucoup d'hommes dans les cascadeurs. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a zéro femme ou est-ce qu'il y en a une qui se court après? Ah bon, ben voilà, non, j'ai mal potassé. Il se rase, pour pas que ça se voit. Vladimir est une femme, en fait. Et voilà. Allez. Alors, combien de femmes? C'est l'occasion de parler. On a une fédération des cascadeurs, la FCFC. D'accord. Qui est une jeune fédération. On existe depuis 4 ans. Et on est à peu près 150 professionnels de la cascade en France recensés. Et au sein de cette fédération, nous sommes 120 pour l'instant. Donc, c'est-à-dire qu'on réunit quand même une grande partie du métier. Et dans ces 120, je me semble qu'on a 25 femmes. C'est pas mal. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Oui, toutes disciplines confondues. Ah oui, toutes disciplines. Oui, alors justement, quelles sont les disciplines, il y a la mécanique. La mécanique, nous représentons nous, les équestres. Oui, d'accord. Avec un grand nom de la cascade française qui est Mario Luracci, que tout le monde connaît, tout le monde nous envie. Et les cascadeurs physiques, et là il y a pas mal de monde. D'accord, donc on retient que faire de la cascade c'est hyper, hyper physique. Oui, j'en suis la preuve. Justement, comment on se prépare une cascade? Bon, on ne peut pas dire simple, mais assez courante. Quelle est la cascade assez courante qu'on prépare, qu'on révise dans les ateliers pour une petite scène? Le grand classique de la cascade mécanique, c'est le tonneau, en fait. Le tonneau, d'accord. Donc, le tonneau. Alors, comment fait-on un tonneau? Alors, le tonneau. C'est David qui va vous répondre. Tout le monde descend à son garage, alors. Voilà. On fait chauffer sa voiture, on se chauffe un peu la nuque. Voilà. On règle sa position de son siège, on accroche sa ceinture, on vérifie. Non. Après des dizaines de tonneaux pour vous, est-ce que c'est aussi simple d'en faire un tonneau tout de suite comme ça? C'est jamais simple. D'accord. Parce que c'est jamais le même. C'est ça qu'il faut dire. C'est jamais le même décor. Ouais. C'est jamais la même voiture. C'est jamais la même vitesse. C'est toujours une nouvelle cascade, même et si. C'est comme jamais les mêmes axes de caméra. Exactement. Ouais. Alors, justement, en parlant de vitesse, je vais vous faire un petit rappel concernant le film À fond. Parce que À fond, c'était vraiment à pleine vitesse. Et, enfin, moi, j'ai adoré. Hein. Et puis, je vous ai vu tout timide à l'avant-première. Il était là dans son coin. Je suis très contente que vous ayez accepté de venir à la radio. Merci encore. Hein. Parce que ça ne doit pas être évident. Merci à vous de votre invitation. Alors, et ce fameux film, alors, où on voit qu'il y a des séquences qui sont époustouflantes. Moi, franchement, le James Bond, je suis rentrée, j'ai dit à mon mari, tu sais, franchement, il y a des cascades à James Bond ou Mission Impossible. Ils n'ont pas à rougir par rapport à ça. Absolument pas. D'ailleurs, du fait qu'on ait moins de budget que ces gens-là, nous réalisons nos cascades sans trucage, en quelque sorte, sans fond vert. D'accord, oui, donc tout était en réel en fait. Ah, sur le film À fond, tout a été fait en réel. C'était le défi du film aussi. D'accord. Alors, sans traduire tous les secrets, est-ce que vous pourriez nous en donner un tout petit, histoire que nos éditeurs aient un genre, pas un scoop, mais enfin, un petit truc qui sort de l'ordinaire, quoi. Le scoop, c'est que la première performance déjà qui est sur le film, ça a été de mettre les comédiens en situation. C'est-à-dire que pratiquement tout le long du film, ils sont jamais doublés. C'est pratiquement ils vivent ce qu'ils racontent à tout moment. C'est ça a été la première difficulté. On peut rappeler déjà le pitch du film. C'est quand même une voiture folle, régulateur bloqué sur l'autoroute, avec cette famille coincée à l'intérieur. Dont une femme enceinte, incarnée par Caroline Vigneault, le père de famille José Garcia. Le beau-père de Caroline Vigneault, qui est André Dussolier, avec d'autres intervenants, les enfants, Charlotte Gabris. Alors, allons-y donc, juste un petit, dévoiler un seulement, une cascade seulement. Ah ben, il y en a eu plusieurs. L'accouchement de Vladimir dans la voiture, c'est ça. Non, allez. Alors moi, j'ai adoré l'histoire de la porte arrachée. Hein. Et puis donc, le fou qui suit. Parce que alors, on parle de comédiens qu'on transforme en cascadeurs, mais attention, il y a également l'inverse. C'est-à-dire le cascadeur qui se transforme en comédien. Et là, Vladimir a été excellent. D'ailleurs, quand on a eu l'interview de presse, la conférence de presse après, j'ai dit que vous aviez rajouté vraiment un gros plus au film. Sur le plan comique, franchement, il y a... Non, mais je le pense réellement, sinon je ne l'aurais pas dit. Mais non, c'est une chance qui m'a été accordée par Nicolas Benamou, le réalisateur, qui a réalisé les deux premiers babysitting. Et c'est d'ailleurs comme ça que mon expérience a débuté. Sur le premier babysitting, je faisais un tout petit rôle, le forain, il s'appelait. Il prenait un extincteur dans la tête, et puis après, on partait en course-poursuite, en karting, dans Paris la nuit. C'était une super séquence où, laquelle on a bien rigolé. Et donc, babysitting était en charge. David était en charge des cascades du premier babysitting. Et puis, un an après ce film-là, cette petite scène ayant bien fonctionné, tout le monde se marrait bien. Enfin bon, voilà, j'ai reçu un scénario un jour, Nicolas Benamou, qui m'a dit « Tiens, lis ça, ça s'appelle À fond. À un moment donné, il y a Jackie, et puis Jackie, c'est pour toi. » Donc, j'ai pris ce scénario. J'ai lu, effectivement, Jackie est arrivé. Et puis, 3-4 pages derrière, il y avait encore Jackie. 5-6 pages derrière, il y avait toujours Jackie. Et donc, Jackie, c'est une vraie chance qui m'est offerte de jouer un peu la comédie. Non, et puis, franchement, félicitations. Et ça part du fond du cœur. Alors, bon, ça, c'était À fond. Alors, bon, ils ne veulent pas nous dévoiler les cascades, on a bien compris, parce qu'ils ont tourné, viré, mais enfin, on n'est pas bête, hein, on a compris qu'ils ne veulent pas. Bon, non, top secret, je t'en dis rien. Il y a des grands moments, comme le péage qu'on a tourné, on devait avoir 2 jours pour le tourner, on l'a tourné en une journée, les autorisations ont sauté. Donc, grand moment de bravoure, on passe un péage à plus de 100 km/h. Il y en a d'autres, il y a caravane. La caravane, qui était un peu con. Complexe parce qu'on a... Non, la complexité... Parce que c'était... Oui, faut pas, surtout pas. Non, la complexité avec David, c'était... Donc, c'est une voiture rentre dans une autre voiture qui elle-même rentre dans une caravane. Mais la complexité, c'était de pas trop détruire la caravane, mais la détruire un peu quand même. Alors, que fait-on? Quelle vitesse? Bon, voilà, on sait après. Il y a eu un peu de recherche. Un peu de concertation, et puis on a défini un impact à 70 km/h de mémoire. Et notre grande réussite, c'est que voilà, la caravane a été défoncée sans l'être trop, et donc, c'était une réussite. Alors quelles étaient, si c'est pas un secret bien sûr, les vitesses réelles? Parce qu'on a l'impression que c'est toujours 250-300 à l'heure, hein, c'est l'impression que ça donne, mais bon, quand ils passent par la fenêtre, alors bon, si ça se dit pas, ça se dit pas. Hein. On peut dire, suivant les séquences à tourner, on a évolué entre 100 km/h et 130 km/h, et des fois ça monte un peu plus au-dessus. Ah ouais, quand même, hein, quand même. Bon, alors ça c'était À fond, alors À fond, ça fait combien de temps que vous avez terminé, vous, les cascades? C'était fin 2015. Fin 2015. C'est déjà un vieux dossier. Le tournage de fin novembre 2015. Ouais. D'accord. Et ça s'est passé en combien de temps? On a tourné 2 mois et demi en Macédoine. Oui. Où on a bloqué à peu près 120 km d'autoroute. Il y a eu un tournage en Macédoine. Oui. D'accord. Oui, on n'a pas eu d'autorisation pour tourner en France. On ne peut pas privatiser les autoroutes en France. D'accord. Donc il a fallu se rabattre sur l'étranger. Oui. Donc on voit que dalle. Hein. On a été accueillis par la Macédoine. On a tourné sur... cumulé 120 km d'autoroute à peu près. On a fait en 2 mois et demi 5000 km. On a roulé 5000 km pour raconter l'histoire. Avec parfois jusqu'à 90 véhicules sur l'autoroute. Ah oui. Plus d'une centaine de figurants. Oui, parce qu'on les voit à un moment donné sur le bas-côté, c'est impressionnant là aussi. Hein. Non, mais je vous dis franchement, si vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller, faut pas hésiter. Alors ça, donc, c'était pour À fond. Alors, qu'est-ce que vous avez à l'heure actuelle sur le grill? Ou est-ce que vous avez fait des choses entre le film À fond et puis le film que vous avez fait après? L'actualité, c'est le film À fond qui est au cinéma en ce moment. Et on a aussi un film qui va sortir au mois de février, qu'on a tourné avec Philippe Lachaud, qui s'appelle Alibi.com. Dont on voit la bande-annonce déjà. Si vous allez voir le film À fond, vous verrez la bande-annonce du film Alibi. Oui, d'accord, c'est pour ça. Okay. Nous avons vu hein, le film À fond. Moi, je l'ai vu 3 fois hein, pour ma part. Carrément. Non, mais elle a du mal à comprendre, il faut que ça monte. Quand on aime. Oh, il fallait préparer l'interview, les deux. Il est méchant. Je vais lui couper la chronique s'il continue comme ça. Donc là, vous venez de finir Alibi. Ouais. Vous avez un autre projet sur le grill ou c'est secret? On vient de finir aussi une mini-série pour Canal+, un feuilleton. D'accord. Pour le web, ouais, une série D'accord. web. Écoutez, nous arrivons... Alors justement, moi j'ai une petite question là-dessus. Ben vas-y. Est-ce qu'il y a un film qui vous ferait plaisir? Comme ça, tout de suite, il y a un truc que vous auriez voulu faire en voyant d'autres cascadeurs ou un autre film? Vous disiez, tiens, ça, je me serais bien vu le faire. Bah, tous les films où il y a des cascades dedans. Où on n'est pas dedans, d'accord. Voilà, est-ce que, je sais pas, il y a un film, un jour, vous aimeriez faire un film vraiment en tant que réalisateur avec vos propres cascades, votre propre histoire, ça vous branche ? Moi, personnellement, pas en tant que réalisateur, mais réaliser de la deuxième équipe, oui, pourquoi pas. D'accord. Réaliser de la deuxième équipe ? La deuxième équipe, ça veut dire quoi ? C'est la deuxième équipe sur un tournage réalise plus les séquences d'action. D'accord, ok, ok. Et le premier, lui ? Tout ce qui est comédie. Des fois, les deux équipes se rejoignent pour tourner ensemble. D'accord, d'accord. Bien, alors, le prochain. Est-ce possible de venir vous voir aussi ? En répétition, je sais pas, non, ça se fait, il y a pas. C'est très compliqué. Ah oui, c'est pour ça, il faut le dire aussi. Hein. Ça sent l'appel du pied, c'est bon, on verra ça. On va enregistrer. On verra ça après. Donc, alors, le futur film pour Point de vue Cascade, puisqu'Alibi vient de se terminer, ça aussi c'est secret peut-être. Sans trahir totalement. Non, mais sinon, vous. Il y aurait un 5. Je ne peux pas vous dire mieux, un 5. Après, faites vos recherches. Un 5, c'est son chiffre bonheur. Ok. Bon, alors, nous ne les torturerons pas plus longtemps. Donc, nous arrivons, hélas, à la fin de cette interview. Donc, c'était très agréable. Alors, simplement pour finir, est-ce que vous pourriez me donner, en une phrase assez courte, la définition de votre société ou de votre profession ? Il est marqué quoi sur la feuille de paye en bas ? Travail d'équipe, moi je dirais travail d'équipe. C'est avant, la cascade, c'est avant tout un travail d'équipe. C'est beau ça. Vladimir ? Moi j'ai juste envie de dire que ne pas se prendre au sérieux, c'est un travail très sérieux, mais on essaye de ne pas se prendre au sérieux et de travailler dans la bonne humeur. C'est notre grande force en tous les cas, nous chez Cascade et Cascadeurs. On travaille dans la bonne humeur, comme vous avez pu l'entendre, je l'espère. Oui, oui, et puis je peux vous dire qu'effectivement, hors interview, ils sont également adorables. Bien, bien, côté David... Juste si on souhaite vous contacter, on ne sait jamais, si des auditeurs auditrices sont intéressés un jour par, pourquoi pas, devenir cascadeur, il y a un petit site, il y a des petites coordonnées. On ne fait pas de stage de récupération de points. Ah oui, d'accord. Non, j'ai les 12, moi, c'est bon, j'ai les 12. Non, mais qu'ils aillent voir déjà... On a un site internet. Voilà, on a un site internet qui s'appelle cascadeurs.com et ils vont voir des vidéos. Peut-être certaines vont les encourager à faire ce métier et d'autres les décourager. On les dissuader totalement. D'accord. Bien, écoutez, David, merci bien d'être venu. Merci à vous. Vladimir, merci d'être venu. Merci beaucoup.